voulant rendre les jeunes gens attentifs à ce qu'on leur veut dire, en leur montrant au bout un objet très intéressant pour eux, est un contresens très ordinaire aux instituteurs, et que je n'ai pas évité moi-même dans mon Émile. Le jeune homme, frappé de l'objet qu'on lui présente, s'en occupe uniquement, et saute à pieds joints, par-dessus vos discours préliminaires, pour aller d'abord où vous le menez trop lentement à son gré. Quand on veut le rendre attentif, il ne faut pas se laisser pénétrer d'avance, et c'est en quoi maman fut maladroite. Par une singularité qui tenait à son esprit systématique, elle prit la précaution très vaine de faire ses conditions. Mais, sitôt que j'en vis le prix, je ne les écoutais pas même, et je me dépêchais de consentir à tout. Je doute même qu'en pareil cas, il y ait sur la terre entière un homme assez franc ou assez courageux pour oser marchander et une seule femme qui fût pardonnée de l'avoir fait. Par une suite de la même bizarrerie, elle mit à cet accord les formalités les plus graves et me donna pour y penser 8 jours, dont je l'assurai faussement que je n'avais pas besoin, car, pour comble de singularité, je fus très aise de les avoir, tant la nouveauté de ses idées m'avait frappé et tant je sentais un bouleversement dans les miennes qui me demandait du temps pour les arranger.